Un jour une chance, un jour une bad luck. La vie est fucked up. Un jour tu perds, un jour tu l'emportes. Qu'importe, c'est que je veux pas finir locked up. On sait jamais ce qui peut arriver. Et pagaille s'est suicidé. J'essaie de maintenir l'équilibre dans cette vie imprévisible où les destins semblent écrits à l'encre des lébiles. J'fais de mon mieux, yo. J't'ai déjà dit, j'fais ce que j'peux. Le problème, c'est ce qu'on veut et ce qu'on peut. Souvent, c'est deux. Plus la terre tourne et plus les gens sont étourdis. J'sais pas si c'est moi, mais j'comprends plus ce qui se passe ici. La vie, c'est comme un jeu d'échecs. Pour avancer, faut sacrifier des pièces. Couper aux bonnes places, connaître ses priorités. Évaluer, visualiser, anticiper. On est ici pour gagner. On n'est pas là pour participer. You never know. On sait jamais, yo. You never know. On sait jamais, yo. You never know. J'ai appris, c'est de rien prendre pour acquis. Y'a les hauts, les bas, et ça bondit comme un acquis. C'est toi qui es responsable de tes actes. Réfléchis, c'est quand on a perdu ce qu'on avait qu'on apprécie. Je regrette rien que j'ai fait, mais j'apporterai des corrections. Après réflexion, je regrette quelques actions. Mais j'ai pas de DeLorean pour revenir en arrière. Mais une chose de sûre, c'est jamais trop tard pour bien faire. J'sais pas ce que j'ai aimé, j'ai toujours tendance à saboter ce qui va bien dans ma vie, comme si j'aimais ce rocher. Trop inconscient et souciant, comme si j'avais rien à perdre. Rien à c'est perdre. Quand tout va bien qu'on dirait que je m'emmerde. On chante avec les verbes, les noms et les adjectifs. C'est tellement compétitif qu'on en perd souvent l'objectif. C'est pas de savoir c'est qui baisse ou c'est qui le plus dangereux, mais de vivre de notre musique et surtout d'être heureux. You never know. On sait jamais, yo. You never know. On sait jamais, yo. You never know when the time will come and you got to go. Quand je pense à toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma vie, toutes les erreurs et les délits que j'ai commis, tous les crimes et les saloperies que j'ai dit, doute sérieusement qu'un jour on me laisse entrer au paradis. La vie s'écrit pour créer longtemps, donc ça s'efface pas, ça paye sur mes épaules. Il faut que je vive avec c'est ça. C'est bien de vouloir assumer, mais le soir faut assumer. Seul devant le miroir, il faut pouvoir se regarder. Si des noirs parfois, après la pluie, le beau temps. Des fois je me dis que le pire est fait et j'aurais fait mon temps. Mais c'est quand t'es en confiance que la malchance frappe. C'est plate, mais faut vivre les conséquences de ses actes. You never know. C'est jamais, yo. You never know. C'est